Fais marier une femme en une nuit d'essence, mais qu'a rien de souffle et quelques cris. Bien, Stéphane, donc tu es venu pour nous parler de Gala, nous présenter ce concert. Alors vas-y, la parole est à toi. Bien, donc Gala, c'est un groupe qu'on avait vu d'ailleurs tous les deux, Thierry, à Lyon fin juin. qui nous avait vraiment enchanté. Vraiment une excellente prestation scénique. Enfin, vraiment, c'était très, très, très, très bon. Donc, nous, dans le cadre des concerts qu'on organisait à TPE, on avait envie de faire revenir ce groupe à Lyon. Et donc, depuis, ils ont sorti l'album 1er février, dont je viens de nous passer un extrait, là, avec le morceau Petite, qui est vraiment un album majeur du prog. Je pense que tu ne me contrediras pas. Tout à fait, oui, tout à fait d'accord. Donc, on les fait venir le 22 janvier, c'est-à-dire que c'est vendredi prochain. À 8h30 à l'ENTPE. Alors c'est où ça l'ENTPE ? Bah voilà, alors pour les gens qui connaissent pas, l'ENTPE c'est à Vaux-en-Velin, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. Donc c'est 2 rue Maurice-Audin à Vaux-en-Velin. Alors pour y aller c'est très simple en fait, puisque sur le périphérique il y a une sortie Vaux-en-Velin centre, et après une fois qu'on est sorti, l'ENTPE c'est fléché. Donc, pour situer à Vaux-en-Velin, c'est près du Grand Vire, hein, c'est ça ? C'est près du Grand Vire, oui, voilà. Tout à fait. Ok. Donc c'est vraiment. C'est à quelle heure ? C'est à 8h30. D'accord. Donc il y aura une première partie avec le groupe Soldrun que alors, tu avais reçu. Un petit peu que j'ai reçu. Voilà, présente-nous un petit peu Soldrun aussi. Ah bah, Soldrun, c'est un groupe lyonnais qui était passé dans Bande à Part il y a 2-3 mois, je pense. Ouais, à peu un peu près. Plus même. Un peu plus. Donc ils font du. Enfin, ils avaient fait un premier morceau qui était un morceau vraiment rock progressif. Maintenant, ils ont fait des nouveaux morceaux. Donc c'est ça qu'ils nous joueront leur nouveau morceau. Ils ne joueront pas Castellane. Donc leur nouveau morceau c'est du rock, il y a encore quelques tendances progressives mais... Ah ils s'éloignent un petit peu là. Pas vraiment mais c'est un petit peu plus rock, un peu moins progressif je pense. Plus d'énergie quoi, plus ouais. De pêche. Ouais. Donc, mais c'est quand même très très bien quoi. D'accord. Donc ça sera l'entrée et donc le pas de résistance ça sera Galade qui jouera sans doute à peu près 2 heures. Ah ouais. Et ils joueront un morceau de Marillion d'ailleurs en fin de concert. Ah intéressant. Donc, et est-ce qu'il y avait une rumeur comme quoi Gilbert Gandil de Pulsar devait venir ? Est-ce qu'il vient ou pas finalement alors ? Bah, finalement il vient pas. Ah, c'est dommage, il aurait bien aimé, mais il a pas trouvé les gens pour l'accompagner. Donc il viendra pas. C'est un petit peu dommage. Ah mais... oui, effectivement. Alors Gala, donc groupe suisse de Moutier, c'est où ça Moutier ? Tu peux situer un petit peu En Suisse ? Ouais. Non, ça je. Ouais. Et comment s'est opéré le contact J'ai pris contact directement avec Pierre-Yves, donc le chanteur qui est quelqu'un de très très sympa. Et puis bon bah eux ça les intéressait de revenir jouer en France, surtout à Lyon où ils avaient été vraiment bien accueillis. Donc ça s'est fait assez naturellement quoi. On parle au téléphone, enfin. Puis on s'est vu aussi à Paris le 1er novembre, puisqu'il y avait un concert de gala. Ils jouaient à Paris. Et là encore. La convention de Blue Angel, c'est ça ? Tout à fait. Tu y étais. Oui, oui. Alors quelques mots là-dessus, parce que j'ai lu dans la presse spécialisée des louanges, etc. Explique-moi un petit peu ce qui s'est passé. Ils ont repris des morceaux de Marillion aussi, et il y avait très peu de monde, mais les gens qui étaient là-bas étaient enthousiastes. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que la plupart des gens qui étaient là-bas ne les connaissaient pas vraiment, puisque les CD n'étaient pas encore sortis, donc, et assez peu de gens les avaient déjà vus sur scène. Donc c'était des fans de Marillion qui étaient là, a priori. Donc c'était la convention du fan club de Marillion. Et bon, Galade a fait son concert, et les gens ont vraiment été... On a vu que le public était vraiment très très réceptif quoi. Et en plus bon ils ont joué deux morceaux de Marillion, donc Chelsea Monday du premier album et puis Blue Angel de Misplaced Childhood. Et en fait on s'est aperçu en discutant avec les gens après qu'ils avaient trouvé que ces morceaux étaient presque les plus faibles du concert de Galahad quoi. C'est-à-dire que pour des fans de Marillion, ils ont trouvé que le reste était quasiment supérieur. Donc, Et ça avait lieu où ça et devant combien de personnes ? Ah, c'était dans un théâtre, le théâtre Trévise à Paris, puis il y avait à peu près, je sais pas, 150-200 personnes. Ah, quand même. Et c'est cette convention, ça, quel était le but et quel est le profil du fan moyen qui est venu ? C'est intéressant ça. Ouais, c'est-à-dire, il y a un peu de tout. Il y a celui qui écoute énormément de progressif, qui est vraiment très branché progressif, et puis celui qui adore Marillion, mais qui connaît pas trop forcément ce qu'il y a à côté, quoi. Et donc c'est ces gens-là qui connaissaient pas forcément Galahad et qui ont vraiment beaucoup apprécié. Donc, je sais que il y a des gens qui écoutent pas mal de hard aussi, qui apprécient beaucoup Galahad. Quoi. Moi, je vois dans mon entourage. Qu'est-ce qui t'accroche le plus dans Galahad, les mélodies, les paroles, la prestation scénique ? Qu'est-ce qui te fait le plus craquer ou qu'est-ce que tu trouves le plus fort ? Je crois que le plus fort c'est quand même la prestation scénique, parce que je me souviens, moi je les avais vus, j'avais écouté que la démo qui m'avait pas vraiment fait flasher. Et bon, les voir sur scène, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Au mois de juin, il fallait presque les mettre dehors de la scène. Ouais, c'est ça. Ah. Puis vraiment, on sent que le chanteur a une présence, un charisme qui est vraiment fantastique. Ça rappelle un peu les débuts de Marillion, quoi. Ça, c'est clair. Quand on voit Galahad sur scène, on se dit, bon, Marillion au début, quoi, dans les années 82, quoi. Et c'est fantastique, quoi. Alors pour nos chers auditeurs, il y a une ou deux places, je ne sais pas, à gagner, et peut-être même un laser. Ah oui, vas-y. Tout à fait. Donc là, je suis venu des places de concert normales, et puis bon, un laser de l'album, de l'album Galade, donc 1er février. Voilà, à gagner. Donc on va commencer par faire gagner une place de concert. Allons-y, ouais, le plus simple d'abord. Alors pose ta question. Voilà, alors Galade, ça s'écrit G-A-L-A-A-D. Alors, c'est un nom qui vient d'une mythologie, enfin, pas vraiment, c'est un personnage d'une mythologie. De quelle mythologie ? Voilà, donc, de quelle mythologie est tiré le nom Galahad pour gagner une place de concert vendredi ? Donc, il suffit de téléphoner au 78 89 45 05. 78 89 45 05. Et pour illustrer notre propos, on écoute un deuxième extrait de Galahad. Pas amorcer, j'ai voulu le précéder d'un geste sombre. J'ai volé ma lumière, mais la mémoire de la terre a préservé le temps. Montagnes illimitées, vestiges de vérité. Aujourd'hui se brisent les barrières, aux visages aiguisés, les scènes au langage raffiné. Thank you. coup, nous revoilà donc avec Stéphane Zio qui nous parle de Gala, d'un deuxième extrait. C'est Stéphane, le titre. C'était le morceau Votre Mère. Voilà, je te laisse causer, donner un petit peu les résultats du concours. Il y a déjà un gagnant et puis poser une deuxième question avec le laser à la clé. Tout à fait. Donc la réponse à la question qu'on a posée, eh bien, c'était que Galahad, c'était dans la mythologie des chevaliers de la Table Ronde. Et donc c'était les fils de Lancelot. Donc là, on va poser une autre question. Donc pour gagner le laser de Galahad, alors la question c'est de quelle ville sont-ils originaires ? C'est une ville de Suisse, donc de quelle ville ils sont originaires pour gagner un laser ? Ça, c'est à mourir de rire, surtout que j'ai donné la réponse tout à l'heure. Donc. Eh oui, il fallait bien écouter l'émission. Alors j'aimerais que tu nous parles, tu nous expliques un petit peu plus donc ta motivation pour Galahad. Entre autres, tu m'as dit au niveau scénique que tu avais quelque chose à dire à ce niveau-là. D'accord. Donc d'abord, il y a une petite chose que je voudrais préciser, c'est que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est le prix du concert. Donc nous, on essaye de faire des concerts à prix bas, et donc l'entrée, ça sera 50 francs pour les étudiants, et 70 francs pour ceux qui n'ont pas la chance d'être étudiants. Donc c'est quand même pas trop trop cher, c'est moins cher qu'un resto, et vous passez un bon moment, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc oui, je disais que Galahad, on les a fait venir à Lyon, parce que, enfin moi, pour parler un peu de moi, sans être trop égocentrique, c'est que, bon, j'ai vu quand même 100-150 groupes en concert, dont... des groupes vraiment majeurs, des groupes Marillion, Rush, Aerosmith, enfin des très bons groupes sur scène. Et j'avoue que c'est quand même Galahad qui m'a le plus impressionné, donc on essaye de faire partager aux gens cette envie, enfin vraiment le sentiment qu'on éprouve à voir Galahad sur scène, quoi. Parce que c'est vraiment excellent. Je sais pas ce que t'en penses toi, Thierry, qui les a vus aussi tout une fois. Tout à fait, oui, j'ai vraiment été surpris. Enfin, c'est ce que je disais l'autre fois dans la dernière émission mensuelle, celle de janvier, de décembre. J'ai trouvé vraiment que c'était des gens qui avaient quelque chose à dire, qui avaient un univers propre. Donc avec toute une espèce de mythologie en fait, hein, faut dire les choses, un univers propre et puis vraiment une urgence, des choses à dire, une présence scénique comme je disais tout à l'heure, avec humour, il faut les foutre dehors pour qu'ils s'arrêtent, hein. Et également ça c'est le vieux fan de prog qui va parler, c'est vraiment du progressif, quoi, dans le sens originel du terme, avec les cassures, les reprises, avec des climats, des effets, avec un son de guitare qui est un peu plus travaillé que les sons qu'on peut entendre en ce moment, qui sont du sous Marillion revu et corrigé. Enfin, vraiment une démarche progressive dans l'âme, quoi. Surtout que le son de guitare est un peu plus hard sur scène que sur l'album, quand même. Et puis, bon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Que vraiment, c'est ce chanteur qui est très très impressionnant, parce qu'il met le public dans sa poche d'une façon assez extraordinaire, quoi. On n'avait pas vu ça depuis assez longtemps. Et puis une jeunesse, en plus, c'est des gens, ouais. Ils ont quel âge, 22 ans ? 21 ans, 22 ans, oui. Ah, ouais, ils sont vraiment très très jeunes, et ils sont bons, quoi. Du grand talent. Stéphane, on va passer un petit peu de musique et on reprendra notre conversation tout à l'heure. On parlera peut-être un petit peu plus de ton parcours musical. On continue avec une réédition des Japonais. C'est pas un groupe japonais, c'est un groupe suédois, c'est Dice. Et bon, je tenais à vous passer un extrait puisque c'est un groupe un peu légendaire, même si la légende, à mon humble avis, n'est pas toujours à la hauteur de la musique proposée. Mais bon, vous êtes seul juge. Dice sur le 90.7. Je rappelle le numéro de téléphone pour le concours, 78 89 45 05. Moins vite, Thierry, 78 89 45 05. Dice, D-I-C-E, sur Brume. morceaux, enfin des groupes comme ça quoi. Et donc ta position par rapport aux 70s, puisque bon t'es une génération quand même plus un peu plus jeune. Plus jeune que toi. Voilà. Alors comment vois-tu ça? C'est intéressant de voir un petit peu, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes amateurs de prog qui s'en foutent un peu quoi des 70s. Alors toi, comment tu réagis par rapport à ça? Moi je dirais qu'il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas ignorer dans les 70s, c'est quand même Genesis, puisque quand même la période de Genesis avec Peter Gabriel, c'est quand même les débuts du prog, c'est vraiment ce qui s'est peut-être fait de mieux en progressif quoi. Je pense que les 4 ou 5, les 5 albums de Genesis avec Peter Gabriel, c'est tous des monuments, quoi. Ça, on peut pas éviter, quoi. Après, il y a des groupes comme Yes. Bon, Yes, c'est un peu plus spécial, donc moi, j'accroche pas trop sur Yes. J'accrocherais plutôt sur le Yes des années 80, ouais. Bizarrement. Et puis, il y a d'autres groupes qui sont plus spéciaux, des trucs comme King Crimson, Vandergraaf Generator, c'est plus là, particulier. Moi, c'est moins. Pas trop ma tasse de thé. Quoi. Et alors, Genesis, malgré tout, est-ce que ça te fait pas trop vieux? Est-ce que c'est pas un petit peu trop obsolète pour tes oreilles de... Non, je crois pas. Je crois qu'il faut peut-être faire un petit peu abstraction du son des années 70, parce que bon, effectivement, c'était pas les mêmes techniques qu'actuellement. Mais je crois qu'au niveau des mélodies, il y a quand même quelque chose de puissant quoi, dans tous ces albums. Quoi. Et puis la voix de Peter Gabriel, quoi, c'est quand même quelque chose. Quoi. Et par rapport aux autres écoles, parce qu'on parle que des Britanniques, là, est-ce que tu as tâté un petit peu des Italiens, des Allemands, puis même pour aller carrément dans les choses plus contemporaines, des Japonais? Bah, c'est-à-dire que les Italiens, moi je connais pas, je connais des groupes comme PFM, des choses comme ça, c'est pas non plus quelque chose qui m'attire beaucoup. Dans les groupes allemands, il y a quand même Anyone's Daughter que je trouve que t'aimes bien. Que j'aime beaucoup, quoi. Peut-être pour l'affiliation un peu assez directe avec Genesis, enfin le Genesis. Ouais, je sais pas, enfin il ouais. y a quelque chose quoi. Puis bon, il y a inévitablement Camel quand même, dans les groupes anglais, mais qui reste un groupe majeur à mon avis. D'accord. Et qui produit le dernier disque de Camel est vraiment un chef-d'œuvre aussi. Quoi. Moi je pense que Camel c'est un groupe qui est resté quand même assez constant dans l'ensemble, puisqu'il depuis son premier album, il a sorti. Enfin la qualité est là quand même, hein, par rapport à un groupe comme Genesis qui a eu des passages à vide quoi. Ta position par rapport au hard des 70s, Led Zepp, Deep Purple, tout ça, puisque tu es amateur de hard contemporain, comment tu te places? Est-ce que c'est les grands ancêtres qui ont tout inventé ou c'est des vieux machins? Voilà, je crois que c'est un peu pareil, il y a des groupes inévitables. Je veux dire, Led Zeppelin, c'est quand même le premier groupe de hard rock, le premier album de Led Zeppelin, c'est le premier album de hard rock, quoi, c'est la base. Donc, je pense qu'on peut pas ne pas apprécier Led Zeppelin quand on apprécie le hard, quoi, parce qu'il y a tout de réuni, quoi. C'est un petit peu dommage que leur batteur soit mort et qu'ils aient arrêté, parce que c'est vraiment le groupe majeur en hard. Puis bon, à côté de ça, il y a des choses comme Deep Purple, Black Sabbath, qui sont des trucs un petit peu de la même époque, mais peut-être un peu moins indispensables, quoi, ouais. Un peu moins fort. Quoique Black Sabbath, il y a quand même les créateurs du heavy metal, c'est quand même quelque chose aussi, quoi. Mais dans l'ensemble, les groupes des années 70 se défendaient bien, quoi. Il y a quand même beaucoup de bons groupes, quoi. C'est Nudzi, bon, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, il y en a pas mal. Et puis on le sent d'ailleurs dans les groupes qui sortent des albums actuellement, il y en a beaucoup qui ont été qui reviennent aux sources. C'est-à-dire qu'un groupe comme Crimson Glory ou un groupe comme Collision, leurs derniers albums, c'est vraiment ça ressemble beaucoup à Led Zeppelin, quoi. Alors finalement, ouais. J'ai l'impression en t'entendant parler que tu sens plus une continuité musicale entre les 70s et ce qui se fait maintenant qu'une rupture. Je m'explique, si tu veux, pour quelqu'un qui vivait dans les 70s, qui était mon cas, les années 60, c'était très vieux, c'était très lointain, c'était archaïque, c'était la boîte à sel, vraiment, on tapait sur des casseroles. Et j'ai l'impression pour toi qui es jeune des années 90, qu'il y a une évolution et une continuité. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire qu'en matière de hard rock, il y a eu une petite rupture peut-être entre les années 77, 78 et 80, 82. Quoi. Et il y a eu un renouveau du hard rock à partir de 80, 81, qui est venu d'Angleterre, notamment. Et il y a quand même eu une petite rupture, quand même. Hein. Qu'est-ce que t'as pour quoi, la rupture? C'est-à-dire qu'il y a eu... un silence, quoi. Voilà, ouais, il n'y a pas eu de production vraiment très intéressante. Il y a eu un gros trou. Quoi. En 3-4 ans, là, il n'y a pas eu grand-chose. Ah. Puis après, on a vu l'émergence de groupes comme Iron Maiden, des groupes qui sont devenus des groupes phares. Quoi. C'est finalement un petit peu un phénomène assez similaire avec le progressif, où il y a une grande traversée du désert, sauf qu'elle était plus longue, puis c'était 82-83, hein, jusqu'à 78, de 78 à 83, quoi. Ah, mais c'est ça, quoi. Mais ça, enfin... C'est un petit peu similaire effectivement avec le phénomène en progressif. Quoi. Mais maintenant, le hard, à mon avis, évolue plus que le progressif, quand même. Et ce qui est marrant, c'est qu'on assiste maintenant, en matière de hard rock, à un petit peu un retour aux sources, quoi. Ah, oui, et puis, à côté de ça, il y a quand même des groupes qui restent très très inventifs, comme Face No More ou Doom Theater, quoi, qui sont vraiment des groupes les plus inventifs actuellement, quoi. Est-ce que tu as une explication pour le fait que, faut expliquer, enfin, pour élucider le fait que le monde du progressif et le monde du hard sont très proches? Alors que je me plais toujours à rappeler que dans les 70s, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu c'était le repoussoir, quoi. Quand on était bien mec, bien, on était intelligent et tout, on faisait du prog. Quand on était un peu con cucu, on faisait du hard. Comment t'expliques justement ce espèce de retour de pédale qui est très sympa à mes yeux? Est-ce que tu vois Je crois qu'en fait, ça s'est fait grâce à un groupe, c'est grâce à Marillion, en fait. Parce que les tout premiers fans de Marillion, c'était vraiment le public hard rock, quoi. Les premiers fans anglais de Marillion, ceux qui ont fait vraiment pour faire sortir ce groupe de la masse, c'était vraiment des gens qui écoutaient du hard rock, des hard rockers. Et on le voit bien, enfin, Marillion, ils sont passés en 85 dans un festival de hard rock en Angleterre qui s'appelle le festival de Donington. Et bon, il n'y avait que des groupes de hard et Marillion, et ils ont eu un succès époustouflant, quoi. Mais comment on peut expliquer qu'un groupe aussi mélodique, aussi calme que Marillion... Mais le hard est mélodique. Ouais, non, mais bon, c'est quand même très, très, très loin, quand même. Est-ce que c'est le Valium qui vient après le... Non, je crois pas. Je crois qu'il y a une question d'ambiance. Bon, dans le progressif, il y a quand même pas mal de guitares électriques aussi. Ouais. C'est une question. Est-ce que c'est pas les effets scéniques? Parce que le hard au niveau mise en scène est très très fort. Alors est-ce que justement il se retrouve pas dans le Marillion Non, je crois pas que ce soit quelque chose de superficiel comme les effets scéniques. Je crois que c'est vraiment quelque chose de plus profond au niveau de la base de la musique, quoi. Pour moi, Led Zeppelin, c'était presque un groupe de rock progressif. Ils faisaient des morceaux qui faisaient 6-7 minutes. Cachemire. Ouais, pas forcément Cachemire, mais dans les morceaux du premier album, il y a des morceaux vraiment avec des changements de rythme, tout ça, qui sont assez progressifs. Oui. Je pense que c'est deux musiques qui sont pas du tout éloignées, quoi. Ah, mais de toute façon, bon, ce que je disais, c'était dans les mentalités, parce qu'au niveau musical, les musiciens se plaisaient à chacun de leur côté à mettre les groupes hard mettaient du mélotron pour faire le morceau prog, et les groupes de prog mettaient de la guitare un peu plus stridente pour donner un peu de pêche à leur mélodie, hein. Ouais, et puis quand on interroge les gens qui font du progressif sur leurs goûts musicaux, y en a beaucoup qui écoutent du hard. Ouais, tout à fait. Et inversement, quoi, il y a beaucoup de gens qui font du hard qui sont fans de groupes comme Marillion ou Rush, Donc moi je crois que c'est vraiment deux musiques qui sont vraiment liées, quoi. Mmh. Et la liaison se fait aussi par l'intermédiaire de groupes qui font du hard progressif. C'est ce qui est très comme sympa. Comme Magellan ou Doom Theater ou des choses comme ça. Alors on vient là, on arrive tout doucement à ton expérience dans Varia. Non, dans ton expérience dans Varia, puisque dans Varia tu animes une rubrique justement, et si on parlait de hard. Et donc j'aimerais un petit peu que tu nous expliques tes motivations, qu'est-ce que tu cherches à faire passer comme idée ou à faire découvrir. Je pense qu'il faut pas s'enfermer dans un style musical. C'est-à-dire que dans un fanzine de progressif, moi je trouve qu'il est bon de parler de hard ou d'autres styles de musique, parce que pour permettre aux gens, ceux qui connaissent pas forcément, de leur dire bon ce qui est sorti, ce qui est intéressant et tout ça. Donc le but de la rubrique hard de Varia, c'est pas de chroniquer tout ce qui est sorti, c'est d'indiquer aux gens, moi j'indique aux gens ce qui m'a fait craquer, quoi. Les groupes récemment qui m'ont fait craquer. Les albums qui me paraissent... peuvent toucher le public qui écoute du prog, quoi. Il y a des trucs comme Extreme, leur dernier album, je veux dire, normalement quelqu'un qui aime le prog devrait aimer ça, quoi. Et tu as fait de la radio également avec la même optique? Disons que l'émission de radio que je faisais, c'était il y a bien longtemps, c'était il y a 6 ans, et c'était plutôt une émission de hard rock quand même. Mais on passait du Marillion, on s'était fait un spécial Marillion, enfin c'était pareil, quoi, c'était un mélange de genres. Ok, enfin, on va passer à Queen's Rush. Pour faire la transition. Voilà, sans transition, tout à fait, Thierry. Donc, alors vas-y. C'est un morceau de leur dernier album. Enfin, il y en a un autre qui est en préparation actuellement. C'est pas un scoop, mais il devrait sortir bientôt. Donc c'est un morceau assez long qui s'appelle Anybody Listening. C'est un morceau qui rappelle un petit peu Pink Floyd, comme quoi Queen's Rush en l'occurrence, c'est un groupe de hard, mais quand même assez calme et avec beaucoup de mélodies, enfin très propre. Ils sont américains ou britanniques? Ils sont américains, de Seattle. Américains. D'accord. Ok, et... Queen's Rush, 7 minutes 40. Anybody listening? J'espère qu'il y a du monde qui écoute. Mmh. can almost taste the freedom. There's a war.